C'est comme si la terre se mettait à tourner plus vite. Et puis moi je ne sais pas quoi faire lorsque mon cœur palpite. Et quand ma tête se remplit, moi je ne sais plus trop quoi dire. J'aime juste un peu plus la vie. Je ne veux pas te voir partir. Mais vraiment, qui es-tu? Une princesse ou un mirage? Une caresse qu'attend mon visage? Un sourire qui me tue? Et moi j'ai les pieds sur terre, mais je suis dans les airs. L'amour qui donne des ailes, la peur qui meurt au soleil. Et ma tête se fait dure, tu me guéris un peu chaque jour. De toutes ces belles morsures que m'ont fait des démons un jour. Mais vraiment, qui es-tu? Une princesse ou un mirage? Une caresse qu'attend mon visage? Un sourire qui me tue? En fait, tout ça, ça nous fait peur. Un peu comme un hélicoptère s'approchant trop vite de la terre, voyant arriver son malheur. Et moi je ne t'en voudrais jamais, même si je ne sais pas pourquoi. Si tu existes ou si tu es imaginé, si tu me vois ou pas. Mais vraiment, qui es-tu? Une princesse ou un mirage? Une caresse qu'attend mon visage? Un sourire qui me tue? Mais vraiment, qui es-tu? Une princesse ou un mirage?